Soo Se-pyeong, représentant permanent de la République populaire démocratique de Corée à l'Office de l'ONU et aux autres organisations internationales à Genève, a adressé le 27 janvier une lettre au président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Joaquín Alexander Maza Martelly. Il a écrit « Je tiens à vous rappeler l'enlèvement de nos citoyennes perpétrées par les autorités sud-coréennes qui doit être critiqué par l'opinion internationale comme violation des droits de l'homme du temps moderne est encore passé sous silence. » Comme il est de notoriété publique, au début d'avril 2016, les autorités sud-coréennes en proie à la confrontation avec la République populaire démocratique de Corée avaient poussé l'Agence nationale de renseignement à enlever en plein jour nos citoyennes d'un restaurant à Ningbo, province de Zhejiang de Chine, pour les entraîner en Corée du Sud, ce qui est un acte terroriste sans pareil. À cette occasion, je tiens à vous rappeler ma lettre 1-HRC-32-G7 adressé à votre prédécesseur demandant de prendre des mesures urgentes pour le renvoi en date du 17 mai 2016 et les lettres des parents des victimes pour le renvoi immédiat en date d'avril et de novembre 2016, la note de la représentation numéro 0037 en date du 22 avril 2016 et la note de la représentation numéro 0076 en date du 30 novembre 2016. Nous sommes déçus de votre office qui ne prend aucune mesure ni ne donne aucune réponse à nos lettres. Les organisations des droits de l'homme de l'ONU sont tenues de répondre à la demande urgente des familles des victimes de juger les autorités sud-coréennes au nom de la justice et de renvoyer leurs filles selon leurs missions et devoirs. Je profite de cette occasion pour demander à votre office de prendre une mesure requise à propos de Kim Yoon-hee aussi, notre citoyenne entraînée en Corée du Sud par les autorités sud-coréennes en septembre 2011, qui se plaint d'être trompée par les complots et qui continue d'exprimer dans les presses sud-coréennes étrangères son intention de regagner la patrie. L'enlèvement de nos citoyennes est un crime contre l'humanité qui sépare les enfants de leurs parents et l'attitude des organisations des droits de l'homme de l'ONU pour traiter ce problème servira de critère pour juger la position de votre office qui préconise la protection et l'amélioration des droits de l'homme. Nous continuerons nos efforts jusqu'au renvoi de nos citoyennes et prendrons des mesures nécessaires en suivant de près les mesures des organisations des droits de l'homme de l'ONU. Je vous prie de donner une réponse positive aux problèmes susmentionnés.